faites pas la fine bouche. Elle parle de cul, pas rien, pas rien. Qu'elle louche. Elle ne parle que trucs louches. Et parfois sa bouche me touche. Elle ne parle qu'à louche. Et pas rien, qu'elle louche. Elle a des tics partout. Hey!